Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission sur le thème des activités humaines et leurs conséquences sur l'environnement avec comme premier exemple la catastrophe ferroviaire du lac Mégantic qui a entraîné un déversement de pétrole dans la rivière Chaudière. Alors le ministère de l'Environnement a formé un comité d'experts pour établir et mettre en œuvre un plan d'action à la suite de ce déversement de pétrole. Alors, David de Berryman est biologiste et le coordinateur de ce comité. Il est l'invité de Marie-France Sottil. Bonjour Marie-France et bonjour M. Berryman. Bonjour. Salut. Alors, allons-y tout de suite. La tragédie a eu lieu il y a à peu près un peu plus de deux ans. Oui. Et le ministère de l'Environnement a nettoyé le cours d'eau. Oui. Autant que possible. Et maintenant, qu'est-ce qui reste dans la rivière? Est-ce qu'elle est encore contaminée? Oui, il reste un certain degré de contamination dans la rivière. On est maintenant... L'accident est arrivé le 6 juillet 2013. On est rendu en 2016. Donc, cet été, ça va faire 3 ans. Les derniers résultats d'échantillonnage qu'on a datent de l'été dernier, évidemment, l'été 2015. Et il restait une contamination dans le cours d'eau. Beaucoup moindre, évidemment, que celle qui était constatée durant le premier été après le déversement. La diminution de la contamination est remarquable, est forte. La diminution naturelle, juste parce que l'eau coule dans le cours d'eau et il y a ce qu'on appelle une atténuation naturelle des contaminants. Surtout après les crues printanières. On connaît les crues dans la rivière Chaudière. Ça a un pouvoir nettoyant fort. Donc, à chaque crue, il y a un lessivage de la rivière qui se fait et ça fait diminuer beaucoup la contamination qu'il y a dans les sédiments et sur les fonds de la rivière. Alors, est-ce qu'on peut chiffrer cette contamination en termes de distance ou de profondeur ou de concentration? Où est-ce qu'elle se retrouve, oui, en fait? Oui, en fait, les contaminants, on en trouve dans l'eau, on n'en trouve à peu près pas. Le problème résiduel, c'est une contamination des sédiments, c'est-à-dire des cailloux, le sable, la vase qui est au fond des cours d'eau. Le pétrole s'est déposé sur le fond. Occasionnellement, quand il y a des crues, il y a du pétrole qui va être remis en suspension dans l'eau, mais c'est des épisodes très sporadiques, de très courte durée. Le problème persistant, c'est la contamination des sédiments, mais même ce problème-là diminue beaucoup. Par exemple, on fait un suivi de la rivière. On a un ensemble de 131 stations d'échantillonnage qu'on a échantillonné en 2013 et en 2014, c'est-à-dire l'été 2013 et l'automne 2013, tout de suite après l'événement. Et en 2014, après la crue printanière, durant l'été 2014. Les stations sont placées en aval du point de déversement. Oui, ils étaient répartis sur environ 80 kilomètres en aval de lac Mégantic. C'est 131 stations-là pour la plupart. Et juste pour sortir des chiffres, c'est un peu compliqué, mais juste pour retenir les chiffres, en 2013, la médiane, ce qu'on peut estimer comme étant à peu près la moyenne là, de ces 131 sites-là, en 2013, c'était 247 mg par kilogramme. En 2014, on se retrouvait au même site à une médiane de 34 mg par kilogramme. Donc, ça avait diminué vraiment de beaucoup. Et rapport à une espèce de norme qui établirait une protection pour l'humain ou la végétation ou les poissons? C'est ça. Par rapport à la norme, on a un critère, c'est-à-dire un critère de toxicité chronique, un critère de toxicité aiguë. En 2013, il y avait 50 % des stations qui dépassaient les critères et même 26 % qui dépassait le critère le plus élevé, le critère de toxicité aiguë, au-delà duquel on sait là, vraiment qu'il y a des impacts sur le cours d'eau. Donc, en 2013, il y avait 26 % de nos stations qui dépassaient ce critère-là. En 2015, en 2014, ça avait baissé à 5 % seulement des stations. Et en 2013, des endroits qui dépassaient les critères, on en avait sur 80 km de cours d'eau. En 2014, c'était plus seulement dans les 15 premiers kilomètres. Donc, il y avait eu déjà dans la première année un bon nettoyage de la rivière. Finalement. J'imagine que la tendance se maintient avec les résultats de 2015. Oui, les résultats de 2015 sont encore à l'étude. On est en train de finaliser les rapports. On constate une poursuite là, de cette diminution-là, mais il reste quelques endroits dans la rivière où on dépasse les critères. Il y a par endroits des petites anses, des petites baies, des endroits où le courant ralentit, où il y a des sédiments fins qui se déposent. Et à ces endroits-là, ben, il se dépose encore un peu de pétrole, même à certains endroits en concentration qui peuvent dépasser les critères. Alors, ce critère-là, il est conçu pour établir une protection face à quoi? En fait, c'est pour protéger la vie aquatique. Il est basé beaucoup sur l'exposition des organismes benthiques au cours d'eau. Les organismes benthiques, c'est tous les petits organismes, les petits invertébrés fouisseurs qui vivent sur le fond des substrats meubles ou qui vivent sur la roche, comme ça peut être des mollusques, des larves d'insectes, des vers qui habitent le fond des cours d'eau et qui sont un peu une des bases de la chaîne alimentaire dans les cours d'eau. Quand on dépasse les critères dont je viens de parler, ben ces organismes-là sont affectés. Il y en a certains qui disparaissent, qui ne peuvent plus habiter le cours d'eau quand le niveau de pétrole atteint ces critères-là. Et c'est ce qu'on a observé. On a fait des suivis. Les suivis n'ont pas porté juste sur les quantités de pétrole, mais aussi justement sur les formes de vie qui habitent le cours d'eau. Et dès 2013, on voyait qu'il y avait des organismes benthiques qui étaient affectés dans les 25 premiers kilomètres de la rivière. Il y avait des espèces qui n'étaient plus là, alors qu'elles étaient à des stations témoins. Donc, dès 2013, on a constaté un impact sur la communauté benthique. Et en 2014, on voyait déjà on a repris des échantillonnages de cette communauté-là, de l'abondance et de la diversité d'organismes, puis on constatait un rétablissement. Certaines espèces qui n'étaient pas là en 2013 commençaient à faire un retour dans le cours d'eau en 2014. Ce sont des bonnes nouvelles. Et puis, pour parler d'espèces qui nous touchent plus, nous, le commun des mortels, les poissons, en fait, c'est eux qu'on peut voir et peut-être manger. Est-ce que vous avez remarqué une baisse de l'abondance ou je sais que certains médias ont parlé même de malformation ou de pathologie. Est-ce que ça s'est avéré et en voie de se rétablir? Oui, on a observé ça. Il y a eu un peu des erreurs là, dans les reportages qui ont été faits par d'autres médias il y a environ un mois. Mais c'est sûr qu'il y a eu le déversement a causé des impacts sur le poisson. À l'inverse des organismes benthiques, l'impact a été constaté en 2014 et pas en 2013. En 2013, dans la foulée des événements, dans l'urgence, il y a eu des pêches scientifiques qui ont été faites. On a pêché principalement des poissons adultes en disposant des filets dans la rivière. Puis il n'y a pas eu d'impact majeur là, sur les poissons adultes dans la rivière. Il y a eu très peu de mortalité de poissons. On a pêché des poissons qui avaient de l'air en santé, en bon nombre, tout ça. On pêchait du poisson adulte en 2014, des assez gros poissons. En 2013, pardon, l'été après le déversement. On est retourné en 2014 avec un protocole un peu différent, un protocole par pêche électrique qu'on a déjà utilisé dans la rivière Chaudière. On avait des données historiques avec cette méthode-là en 1994. Et on est retourné en 2014. Et là, ce qu'on a constaté, c'est des impacts sur les espèces de poissons plus petits qui ont un impact sur la génération suivante. C'est comme si les poissons qui avaient été exposés en 2013 à l'état d'œuf ou à l'état d'alevin, eux ont été impactés, puis on a vu des taux élevés de déformation chez ces poissons-là. C'est pas tous les types de déformation, c'est principalement ce qu'on appelle de l'érosion des nageoires et de la déformation des nageoires, mais à des taux élevés qu'on a vus dans la Chaudière. Normalement, dans un cours d'eau, il va y avoir entre 0 et 5% des poissons qui vont avoir ce type de déformation-là. Dans la rivière Chaudière, on est à 20 jusqu'à 47% à presque toutes les stations d'échantillonnage. On n'a pas observé ça sur d'autres cours d'eau. Et dans la documentation scientifique, il y a dans d'autres endroits où on a eu des poissons exposés à des déversements de pétrole, on a observé aussi le même type de déformation et d'érosion des nageoires. Fait que nous, on ne voit pas à quoi d'autre on pourrait l'attribuer dans la rivière Chaudière qu'au déversement de 2013. C'est le seul cours d'eau où on a observé une prévalence de déformation aussi élevée. C'est pas des poissons monstrueux avec des tumeurs énormes, tout ça. Comme certains médias ont rapporté, c'est de l'érosion et de la déformation des nageoires. Quelqu'un qui est spécialiste pourrait ne même pas s'en rendre compte, ne même pas le voir. Il faut quasiment examiner le poisson à la loupe binoculaire pour le voir. Mais cette prévalence est là. Est-ce que vous croyez que c'est une mutation génétique ou simplement une attaque du milieu? Là, c'est quelque chose de plus extérieur. Dans le cas de l'érosion des nageoires, c'est une attaque du milieu. Il semble que l'exposition au pétrole altère une espèce de muqueuse qu'il y a sur la peau des poissons. Puis en perdant cette muqueuse-là, leurs nageoires deviennent plus sensibles à l'attaque bactérienne et c'est ça qui cause l'érosion des nageoires. Pour ce qui est des déformations, ça c'est peut-être l'exposition des alevins à l'état d'œuf. Quand les œufs de poisson sont exposés à des produits pétroliers, il y a comme des déformations squelettiques qui se forment et puis on pense que les déformations de nageoires seraient associées à ça. On a pris des sédiments de la rivière Chaudière on les a apportés en laboratoire, puis on a exposé des œufs de poisson, puis on a eu des déformations squelettiques, des poissons qui avaient des déformations de la colonne vertébrale. Donc, toutes ces observations-là vont dans le même sens, finalement. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un scoop sur 2015 par rapport à ces mutations ou ces déformations? Non, pas pour 2015, parce qu'on n'a pas refait de l'échantillonnage de poissons en 2015. On va le refaire cet été, en 2016, parce que... contrairement aux organismes benthiques qui se reproduisent rapidement à chaque année, les générations, le poisson vit quelques années. Les poissons qui avaient beaucoup ces anomalies-là vivent 2, 3, 4 ans. Fait que quand on va retourner échantillonner en 2016, il va en principe y avoir deux cohortes de plus, c'est celle de 2014 et de 2015, qui, elles, n'ont pas été exposées à la vague de pétrole qui a descendu la rivière. Donc, on s'attend à une diminution de la prévalence de ces anomalies-là. Mais on ne l'a pas fait en 2015, puis aussi le fait que notre procédure d'échantillonnage elle-même a un certain impact sur la communauté. Si on retourne 2 années de suite échantillonner au même endroit, on voit l'impact de notre échantillonnage l'année précédente. Donc, pour le poisson, il faut le laisser respirer entre nos vagues d'échantillonnage. En fait, ce sont des bonnes nouvelles. Et puis, pour continuer sur cette lancée, j'extrapole un peu. Est-ce que du côté de la baignade, de la consommation d'eau, mm-hmm. ou même de la consommation des poissons, est-ce que ça nous expose? Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux dans cette rivière pour l'humain? Non, pas vraiment. Le pétrole n'est pas bioaccumulable dans les poissons. C'est pas comme d'autres produits qu'on entend parler, par exemple, comme les BPC ou le mercure, qui, lui, s'accumule dans le poisson et même augmente dans la chaîne alimentaire. C'est pas le cas du pétrole. On a fait beaucoup de mesures de contaminants dans le poisson, dans la rivière Chaudière, mais à titre préventif, puis on se doutait que les concentrations ne seraient pas élevées. Puis dans le fond, les concentrations de contaminants dans le poisson de la rivière Chaudière, même dans les mois qui ont suivi l'événement, n'étaient pas plus élevées que les données historiques ou ce qu'on observe dans d'autres cours d'eau. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique importante de contamination de poissons. C'est plus un impact sur les communautés avec des déformations, puis des taux de survie, même des œufs et des alevins qui sont moins élevés dû à leur exposition au pétrole. Donc, il n'y a pas de danger à boire cette eau-là, à jouer dedans? Non. En fait, il y a 3 prises d'eau potable municipale dans la rivière Chaudière. La première en aval, c'était à Saint-Georges, c'est-à-dire à 80 km. Il y en a une à Sainte-Marie, puis il y en a une à Lévis. Puis il y a 2 prises d'eau potable industrielle là, pour l'industrie agroalimentaire. Elles ont tous été fermées durant l'été 2013 pendant quelques mois. Jusqu'à temps que les suivis de la qualité de l'eau confirmaient qu'on mesurait plus de pétrole dans l'eau. Là. Fait qu'on a permis aux municipalités de réouvrir leur prise d'eau en septembre 2013. Depuis ce temps-là, il y a toujours un suivi qui se fait, mais on voit pas de pétrole dans l'eau finalement. C'est un problème de contamination des sédiments et non de la colonne d'eau. Bien, merci, David, de nous avoir assurés. Et puis, on va continuer à suivre le dossier si les bonnes nouvelles s'accumulent encore. Là. Ça me fera plaisir de revenir là, quand on aura d'autres données à partager avec vous. Merci. Merci, Marie-France, et merci, M. Berryman, pour avoir fait le point sur la situation de la rivière Chaudière. Rappelons que David Berryman est biologiste au ministère de l'Environnement et coordonnateur du comité d'experts chargé de mettre en œuvre un plan d'action à la suite de ce déversement de pétrole dans la rivière Chaudière après la catastrophe ferroviaire de Lac Mégantic en 2013. Alors, on fait une courte pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle d'une diminution d'oxygène dans les lacs.